Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord des Saguenay de Chicoutimi qui ont remporté une belle victoire de 5-4 hier pour remporter leur première victoire de la saison. Il y a Nicolas Roy qui a marqué un but et a amassé deux passes. Zachary Lavigne avec un but et une passe. Julien Labbé Carignan et Ryan Verbeek ont aussi marqué. Et vendredi, dans l'ouverture de la saison locale, défaite des Sags 2-1 contre Bécomo. Pour les Sags, Samuel Hood a marqué le but. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont gagné 5-3 contre Sherbrooke vendredi. Et samedi, la troupe de Gilles Bouchard, natif de Normandin, ont défait Gatineau 5-1. Maintenant, bonne nouvelle pour Samuel Girard. Il a joué son deuxième match au concours. Il a joué en fin de semaine. Il a joué 18 minutes 26 secondes et a terminé le match à plus 1. À noter que les Prédateurs de Nashville ont gagné 4-3 contre le Lightning de Tampa Bay. Et pour le petit gars de Roberval, il jouait avec Piqué Souben sur la même unité offensive. Maintenant, on va parler du côté des Marquis de Jonquière. Les Marquis qui ont perdu 4-3 contre Thetford Mines. Dans le match, Simon Tremblay de Dolbeau-Missisney a été blanchi. Et dans l'autre match, victoire des Marquis 5-3 contre Rivière-du-Loup. On va y aller maintenant du côté de la Ligue Junior Régionale. Maintenant, les Sabres de Roberval ont battu les Éperviers de Normandin 5-2. Et hier, défaite de 3-2 contre les Aiglons d'Alma. Les Éperviers de Normandin, tant qu'à eux, ont gagné 9-4 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Du côté Midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien a gagné 4-0 contre les Basques de Sept-Îles. Et ça se passait hier. Et ils ont défait facilement les Aiglons d'Alma 8-1. Guillaume Tremblay a réussi un truc du chapeau. Et Antoine Niquette qui a marqué une paire de buts. Charles-Éric Rochefort, Mathieu Dubois, qui lui a marqué un but et une passe. De même que Christophe Bélanger, qui lui a marqué un but, trois passes. À noter maintenant que les ambassadeurs de Chicoutimi ont gagné 8-3 contre Sept-Îles. Et ils ont défait les mêmes Basques 7-0. Maintenant, on va parler qu'il y avait un cross-country qui se déroulait au Saguenay en fin de semaine et les athlètes du Club du Mille ont très, très bien fait. Au 5 km chez les femmes, notons la troisième position de Anne-Émilie Tremblay qui a terminé au troisième rang avec un chrono de 30 minutes et 5 secondes. Au 3 km chez les hommes, un doublé des athlètes du Mille. Gabriel Laberge a enlevé la première place avec un temps de 12 minutes 19 secondes. Étienne Saint-Pierre de Saint-Félicien a fini au deuxième rang avec un temps de 3 minutes et 7 secondes. Et Jesse Paul Clary de Mastouillage a fini en troisième place avec un temps de 13 minutes et 16 secondes. Maintenant, à noter que du côté du 3 km chez les femmes, notons que Marguerite Tremblay de Dolbeau-Missisney a fini au deuxième rang avec un temps de 13 minutes 55 secondes. Maïka Pelcha a enlevé la troisième position avec un temps de 16 minutes et 20 secondes. Et au niveau des filles, chez les filles, la deuxième place d'Olivia Saint-Pierre, qui est de Dolbeau-Missisney, qui a fait un temps de 5 minutes et 22 secondes. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.